19, 7, observation. Question d'identification. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Qu'est-ce que vous suivez comme cours? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Qu'est-ce que vous faites comme langue étrangère? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce qu'il y a comme choix?